إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, nous en sommes aujourd'hui au chapitre 39 du livre de l'unicité, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous parler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 60 de Sourate An-Nisa et les versets suivants qui démontrent l'obligation de prendre pour juge et pour arbitre les textes du Coran et de la sunna en toute chose. On voit donc que ce chapitre, il ressemble quelque peu au chapitre précédent, car il concerne tous les deux le fait de modifier ou d'altérer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, ce chapitre, il concerne particulièrement le fait de juger dans les disputes, les divergences et les différends. Quant au chapitre précédent, il était plus général et concernait ce qui est lié au fait de rendre licite ou illicite. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a mentionné dans ce chapitre plusieurs versets qui nous démontrent clairement qu'il est obligatoire pour le musulman de prendre pour juge ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et ceci fait partie du tawhid et de l'adoration. Quant au fait de prendre pour juge autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci relève du shirk, du polythéisme et de la mécréance. Et ce car le jugement appartient entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Comme il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, au verset 40 de Sourate Yusuf, « Inil hukmu illa lillah » Le jugement n'appartient qu'à Allah. « Amara alla ta'budu illa iyyah » Et il a ordonné que vous n'adoriez nul autre que lui. Donc le fait de prendre pour juge et de revenir à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans nos différends et nos divergences, ceci fait partie intégrante du tawhid. Quant au fait de prendre pour juge autre que ce qu'Allah a révélé, ceci est une forme de polythéisme. Et ce car lorsque tu dis « Ashhadu an la ilaha illallah » j'atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah. Ceci implique que tu prennes pour juge le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ceux qui prennent pour juge autre que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors en faisant cela, ils ont porté atteinte à ce qu'implique la parole du tawhid, la ilaha illallah. Il est donc important de comprendre, comme on ne cesse de le mentionner depuis le début de la lecture de ce livre, que ces deux attestations de foi que tu prononces avec ta langue, « Ashhadu an la ilaha illallah »« J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah »« Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » »« Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah » Ceci exige de toi certaines choses, certains agissements, certaines croyances, certaines paroles et ainsi de suite. Et entre dans cela le fait que tu prennes pour juge, pour arbitre, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'ensemble de tes affaires. Ici, il est important de comprendre que lorsqu'on parle de juger par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, cela ne concerne pas seulement les conflits entre les gens. Cela ne concerne pas seulement les jugements dans les tribunaux, mais cela est général dans toute affaire. On doit prendre pour juge le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, également en ce qui concerne les paroles et les avis juridiques, comme on l'a vu dans le cours précédent, en ce qui concerne les efforts de réflexion des gens de science. On doit les évaluer en fonction des textes du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est conforme aux preuves, nous l'acceptons, et ce qui s'oppose aux preuves ou qui est dénué de preuves, nous le délaissons. Et nous ne nous fanatisons pour la parole de personne parmi les savants, parmi les imams. Quant à celui qui se fanatise pour un imam, ou qui se fanatise pour un savant. Alors celui-ci n'a pas pris pour juge ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Il n'a pas pris pour juge le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a pris pour juge cette personne pour qui il s'est fanatisé et à laquelle il s'est accroché dans l'ensemble de ses avis. Et ceci, comme on l'a vu dans le cours précédent, est interdit. Et les imams de l'islam sont unanimes sur l'interdiction de cela. Tous ont interdit cela. Ils ont tous interdit d'accepter leurs opinions sans regarder sur quoi elles sont basées parmi les preuves du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce afin de ne pas tomber dans l'interdit que l'on a vu dans le cours précédent. En leur obéissant, s'ils ont, par erreur ou par effort de réflexion, interdit une chose qu'Allah autorisait ou autorisé une chose qu'Allah a interdite. Et de la même manière, il est obligatoire de prendre pour juge le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne la voie à suivre, la méthodologie, le manhaj. En effet, on observe aujourd'hui des gens aux méthodologies divergentes. Et les gens ne sont pas tous sur la même voie parmi ceux qui se réclament de l'islam. Donc afin de connaître la bonne voie, de savoir quelle est la voie de vérité, quelle est la méthodologie authentique, afin d'atteindre ce but, tu dois prendre pour juge le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est conforme au livre d'Allah et à la sunna, alors tu l'acceptes et tu empruntes cette méthodologie. Et ce qui est contraire à cela, il est obligatoire de le délaisser, de le refuser, de s'en écarter. Il est donc très important de comprendre que le fait de juger par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cela a une portée générale et n'est pas restreint à ce qui se passe dans les tribunaux et au domaine pénal. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ » Et si vous divergez sur une chose quelconque, quelle qu'elle soit, qu'elle concerne le domaine financier, qu'elle concerne les conflits entre les personnes, qu'elle concerne les croyances, qu'elle concerne les adorations, qu'elle concerne les comportements, les mœurs, et ainsi de suite, quelle que soit cette chose, si vous divergez sur une chose, فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ Son jugement revient à Allah. Il est donc obligatoire pour nous de comprendre cela, car aujourd'hui il y a des gens, parmi ceux qui s'affilient à la prédication ou à la science, qui lorsqu'ils parlent de juger par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, ils restreignent ce point à ce qui se passe dans les tribunaux. Ils disent qu'il est obligatoire de mettre en pratique la charia et il faut rejeter les lois instaurées par les hommes. Bien sûr, ceci est une belle parole et c'est une parole de vérité, il n'y a aucun doute en cela. Mais il est obligatoire que le jugement par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé englobe l'ensemble des affaires, toute chose sur laquelle les gens divergent. Il est obligatoire dans celle-ci de prendre pour juge le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et ne pas se limiter à ce qui se passe dans les tribunaux. Les gens aujourd'hui, ils divergent dans la croyance. Ils divergent dans leur méthodologie. Ils divergent dans leur manière de pratiquer les adorations. Ils divergent dans leur comportement. Ils divergent dans leur mœurs et ainsi de suite. Ils divergent dans beaucoup de choses. Et dans toutes ces choses, nous devons avoir comme référence et pour juge le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ne pas faire comme les prêcheurs à l'égarement qui appellent à mettre en pratique les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement en ce qui concerne les conflits entre les gens, mais en ce qui concerne les croyances, en ce qui concerne les groupes, en ce qui concerne le manhaj, les méthodologies. Alors, ils ne veulent pas prendre pour juge le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent « Nous sommes tous musulmans. Laissez les gens sur leurs croyances, laissez les gens sur leurs idéologies, laissez les gens emprunter la méthodologie qu'ils veulent. » Et puis après, ils appellent à mettre en pratique la charia. Ils sont donc semblables en cela à ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, verset 85 de Surat al-Baqarah, « أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ » Croyez-vous en une partie du livre, alors que vous reniez une autre partie? Il est obligatoire de croire en l'ensemble de la religion, et de revenir au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'ensemble de nos différends, que ce soit concernant les affaires mondaines ou les affaires religieuses, comme ce qui est lié à la croyance et à la méthodologie. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, car le fait de prendre pour juge ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, ceci fait partie du Tawhid, et cela fait partie de la concrétisation du Tawhid. Quant au fait de prendre pour juge autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, alors ceci relève du shirk, c'est du polythéisme, et ce, dans le jugement et la législation. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, il a mentionné plusieurs versets pour nous démontrer cela. Et il a commencé par quelques versets de Surat al-Nisa, à partir du verset 60, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. » N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir foi en ce qu'on a fait descendre vers toi et en ce qu'on a fait descendre avant toi et qui veulent prendre pour juge le Tawhid? Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il blâme ces gens-là qui prétendent avoir foi en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui en parallèle de cela veulent prendre pour juge le Tawhid. Il nous explique donc que ceci n'est pas en adéquation. Il n'est pas possible de réunir entre la foi et la mécréance. Celui qui croit en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire pour lui de prendre pour juge le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui prétend avoir la foi, mais qui dans ses jugements ne revient pas à Allah, ne revient pas au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors ceci démontre une défaillance dans sa foi. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon le sens du verset, « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir foi ?» Ceux qui prétendent avoir foi, il n'a pas dit « N'as-tu pas vu ceux qui ont la foi ?» Mais ceux qui prétendent avoir la foi. Et la prétention, c'est le plus mensonger des discours. Donc ceci est une preuve que les gens dont il est question dans ce verset sont des menteurs dans leur prétention d'avoir la foi. Et la preuve de leur mensonge, c'est qu'ils veulent prendre pour juge le Tawhid. Et si leur foi était véridique, il n'aurait pris pour juge que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce verset est une preuve que le simple fait de vouloir prendre pour juge autre que le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, le simple fait de vouloir cela, cela s'oppose à la foi. Alors que dire de celui qui fait réellement cela et qui prend pour juge autre que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'ensemble de ses affaires ou dans certaines d'entre elles. Il n'y a pas de doute que ceci est bien plus grave. Et le Tawhid, comme on l'a vu dans des cours précédents, cela vient en arabe du mot Tawhid, qui signifie le dépassement des limites. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a expliqué que le Tawhid est tout ce qui pousse le serviteur à dépasser ses limites. Parmi les êtres adorés, suivis ou obéis dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les tawarites sont nombreux. Il y a parmi eux Iblis, il y a celui qui est adoré et qui agrée cela, il y a celui qui appelle les gens à l'adoration de sa propre personne, il y a celui qui prétend connaître la science de l'invisible, et il y a celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé. Et c'est cela le sujet de notre chapitre ici. Ceux qui jugent par autre que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par les lois inventées par les hommes, par les coutumes, les traditions et autres réglementations. Tout ceci est rejeté depuis l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est obligatoire pour le croyant dans toutes ses affaires de revenir au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et toute personne qui juge par autre que le livre d'Allah et autre que la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en rendant licite son jugement, alors celui-ci est un tawhid et il est obligatoire de mécroire en lui. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset « وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ » alors qu'on leur a ordonné de mécroire en lui, de mécroire au tawhid. Comme il dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, de Surat al-Baqarah, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Et quiconque mécroit au tarout et croit en Allah, il a certes saisi l'anse la plus solide. Qu'est-ce que c'est l'anse la plus solide? L'anse la plus solide qui est visée dans ce verset, c'est « La ilaha illallah ». Et « La ilaha illallah », c'est quoi son sens? « La ilaha », nul Dieu n'est en droit d'être adoré. Tu renies l'adoration de tout autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu rejettes le tarout, puis tu crois en Allah et tu dis « Illallah ». Et ceci est la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est visé dans le verset. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de ce verset, وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Et le diable veut les égarer d'un égarement lointain. Médite sur cela, d'un égarement lointain. Il n'a pas dit d'un simple égarement, mais d'un égarement lointain, c'est-à-dire qu'il les égare loin de la vérité au plus loin possible. Car s'il ne les égare que légèrement de la vérité, il se peut qu'ils reviennent. Mais le diable, il va tout faire pour les égarer le plus loin possible, afin qu'ils ne puissent plus jamais voir la vérité. Et c'est ça que le diable recherche. Il éloigne les gens du fait de juger par le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Car le diable, il veut le mal pour les hommes. Il ne veut pas pour eux le bien. Donc, afin d'atteindre son but, il ne lui suffit pas qu'il te fasse dévier légèrement. Mais son objectif est de te faire dévier totalement de la vérité, de t'en écarter le plus loin possible, afin que tu ne puisses plus y revenir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous préserver et nous maintenir sur la voie droite, et ce jusqu'au jour de sa rencontre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne une de leurs caractéristiques, de ces gens qui veulent prendre pour juge le tarout. Et parmi ces caractéristiques, le fait qu'ils n'acceptent pas le conseil. Et ce, car le diable les a égarés d'un égarement lointain. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Et lorsqu'on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas le conseil lorsqu'on les rappelle à la vérité et au droit chemin. Et ceci nous démontre qu'ils n'ont pas délaissé la vérité par ignorance, mais ils l'ont délaissée volontairement. Et ils n'acceptent pas le conseil lorsqu'on les rappelle à l'ordre. Mais ils s'écartent de la voie droite, ils s'écartent de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les hypocrites, ce sont ceux qui montrent en apparence l'islam, mais qui cachent en leur fort intérieur la mécréance. Ils montrent donc l'islam en apparence, pourquoi? Par tromperie et par ruse, afin de tromper les musulmans. Et c'est pour cela que les gens de science ont dit que les hypocrites, ils sont encore pires que les mécréants. Car le mécréant, qui montre ouvertement sa mécréance, sa position elle est claire. Tu n'as pas de doute quant à son animosité envers l'islam et les musulmans. Alors que l'hypocrite, sa position elle est incertaine. Il dit qu'il est musulman. Les gens pensent qu'il est là pour soutenir l'islam, soutenir les musulmans. Mais en réalité, dans son fort intérieur, il cache la mécréance. Alors, il ne fait que nuire à l'islam et aux musulmans. Si les mécréants ont le dessus, il est heureux, il vit avec eux. Et si ce sont les croyants qui ont le dessus, alors il vit parmi eux en se faisant passer pour l'un d'eux. Donc ce qu'il recherche, c'est quoi? C'est vivre avec ceux qui ont l'autorité, la domination, le pouvoir, la force. C'est donc pour cela que l'hypocrisie est la voie la plus vile. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à leur sujet qu'ils sont au plus bas fond du feu. Inna al-munafiqina fi d-darki al-asfali min an-nar. En raison de leur tromperie. Et le croyant, à l'inverse de l'hypocrite, il est clair. Son discours est explicite. Il n'a pas de double discours. Il n'est pas indécis. Sa position, elle n'est pas incertaine. Car il a la ferme conviction que sa religion est vérité. Et qu'il est sur le droit chemin. Il n'a donc aucun doute à ce sujet. Contrairement à l'hypocrite qui choisit ses positions en fonction de ses intérêts. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 64, toujours de Surat An-Nisa, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et nous n'avons envoyé aucun messager si ce n'est pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. Donc ce verset est une preuve très claire de l'obligation d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de l'interdiction de s'opposer à lui. Et entre dans l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le fait de le prendre pour juge dans nos différends. Il dit d'ailleurs, subhanahu wa ta'ala, dans le verset suivant, verset 65, « Fala wa rabbika la yu'minun » Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas, ils n'auront pas la foi. Donc ici, ils réfutent leur prétention qui est mentionnée au verset 60. Ils n'auront pas la foi. Et ils jurent de cela, subhanahu wa ta'ala. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Tant qu'ils ne te prendront pas pour juge dans leur dispute. C'est-à-dire tant qu'ils ne prendront pas pour juge le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans leurs disputes, dans leurs divergences, dans leurs différends, et ce dans l'ensemble de leurs affaires, que ce soit les affaires mondaines ou les affaires religieuses, ils n'auront pas la foi. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ Puis qu'ils n'éprouveront aucune gêne pour ce que tu auras décidé. C'est-à-dire que le croyant, il ne doit pas être gêné par le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et le jugement de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais il agrée ce jugement, il l'aime, il ne le réprouve pas. Quant à celui qui prend pour juge la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui la met en pratique mais qui dans son cœur la réprouve et la déteste, alors celui-ci n'est pas croyant. Mais le vrai croyant, c'est celui qui accepte le jugement d'Allah et le jugement de son messager sallallahu alayhi wa sallam avec conviction, et ce sans hésitation. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Puis qu'ils se soumettront complètement, c'est-à-dire qu'ils se soumettront complètement à la sentence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On voit donc que pour être un vrai croyant, il est indispensable de se soumettre à ces trois choses qui sont mentionnées dans ce verset. La première est de prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour juge dans nos conflits et nos différends. La deuxième est de n'éprouver aucune gêne pour ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé. Et la troisième est de te soumettre complètement à la sentence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et par ces trois choses, la foi se concrétise bi'idhnillahi ta'ala. On voit donc à travers ces versets une preuve claire et évidente de ce que l'auteur rahimahullah ta'ala a voulu nous démontrer. Et qui est le fait que de juger par la charia et de prendre pour juge le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, cela fait partie intégrante du tawhid. Et que le fait de délaisser cela et de prendre pour juge autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, ceci fait partie du polythéisme et des caractéristiques des hypocrites. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un autre verset qui est le verset 11 de Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Et lorsqu'on leur dit « Ne semez pas la corruption sur terre », il dit « Nous ne sommes plutôt que des réformateurs ». Ce verset, il fait partie des versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au début de Sourate Al-Baqarah, décrivant les caractéristiques des hypocrites. Lorsqu'il est dit aux hypocrites « Ne semez pas la corruption sur terre », c'est-à-dire par les péchés, et il fait partie des plus grands péchés de prendre pour juge autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Donc lorsqu'on leur dit « Ne semez pas la corruption sur terre », ils disent « Nous ne sommes plutôt que des réformateurs ». Donc le shir, rahimahullah ta'ala, il a mentionné ce verset ici, car une des plus grandes formes de corruption sur terre est le fait de juger par autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et ceux qui jugent par autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, ils prétendent être des réformateurs. Donc la corruption sur terre, c'est la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la réforme et le bien sur terre, ils ne peuvent avoir lieu que par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et en prenant pour juge le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunnah de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux hypocrites, lorsqu'on leur dit délaisser l'hypocrisie, délaisser la corruption, ils disent « Nous ne sommes que des réformateurs ». Ils pensent que la fausseté sur laquelle ils sont, c'est ça le bien et la réforme. Et que ce sur quoi sont les croyants est la corruption. Et telle est la situation de toute personne parmi les gens de la mécréance et de l'égarement. Ils pensent que la voie sur laquelle ils sont, les jugements auxquels ils reviennent, les lois qu'ils appliquent. C'est cela le bien, c'est cela la réforme. Alors qu'en réalité, ce n'est que de la corruption. Et lorsqu'ils voient les croyants qui mettent en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils pensent que ce sont eux les corrupteurs. Ils ont donc inversé les choses. Car ils ont pris pour référence leur passion et leur désir. Ils ne se sont donc basés sur rien. Et le bien qu'ils prétendent, il est divergent. Il change d'un jour à l'autre, d'une année à une autre, d'un pays à un autre, et ainsi de suite. Car ils n'ont aucune base commune. Contrairement aux gens de l'islam, qui en tout lieu et à toute époque ont pour base commune et comme référence principale le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné le verset 56 de surat al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا » et ne semez pas la corruption sur terre après sa réforme. Donc ce verset a le même sens que le verset précédent. Ne semez pas la corruption sur terre, c'est-à-dire par les péchés, par le shirk, par la mécréance, après sa réforme, c'est-à-dire après l'envoi des messagers alayhimu salatu wassalam et la descente des livres. Allah subhanahu wa ta'ala a réformé la terre en envoyant des messagers, en descendant des livres, en montrant le droit chemin à suivre pour celui qui veut le bien. Il est donc interdit de délaisser ce bien au profit des voies divergentes auxquelles appellent les démons parmi les hommes et les djinns. Ensuite, il a mentionné un autre verset, rahimahullah ta'ala, qui est le verset 50 de surat al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ » Est-ce le jugement de la jahiliya qu'ils veulent? Et qui est meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont la certitude? Ce qui est visé par la jahiliya, c'est ce qui a précédé l'islam. Les gens de la jahiliya, ils étaient dans l'égarement. Et parmi leur égarement, il y a le fait qu'ils prenaient pour juge les voyants, qu'ils prenaient pour juge les sorciers, et autres parmi les tawarits. Et ils prenaient pour juge également les traditions tribales, les coutumes des tribus, et ainsi de suite. Donc, les hypocrites, ils veulent en réalité le jugement de la jahiliya. Ils ne veulent pas le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne veulent pas le jugement de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala les a donc blâmés dans ce verset. Et telle est la situation de ceux qui veulent remplacer la charia par des lois inventées par les hommes. Car les lois inventées par les hommes, elles font partie du jugement de la jahiliya. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon le sens « Et qui est meilleur qu'Allah en matière de jugement ?» pour des gens qui ont la certitude. C'est-à-dire, il n'y a personne de meilleur qu'Allah en matière de jugement. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-alim, al-hakim, celui qui sait parfaitement toutes choses. Il est le sage subhanahu wa ta'ala. Il sait parfaitement ce qui convient à ses serviteurs. Il sait parfaitement ce dont ils ont besoin. Il sait parfaitement qu'est-ce qui peut mettre fin à leur conflit, à leur discorde. Donc la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la législation d'un législateur sage et qui sait parfaitement toutes choses. Comment donc mettre au même niveau la législation du Créateur avec la législation de créatures faibles qui ont des raisons défaillantes, qui sont dominées par les passions et les désirs et dont la science est limitée? Il n'y a pas de doute que ces deux lois ne peuvent en aucun cas être mises au même niveau. Et que la loi du Créateur est supérieure en tout point de vue à la loi des créatures. Et ceci fait partie intégrante de la foi de tout musulman. Et celui qui prétend autre que cela, il n'est pas musulman, même s'il se réclame de l'islam. Donc le meilleur des jugements pour les hommes et les meilleures lois, ce sont le jugement et les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, d'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun d'entre vous n'aura la foi tant que ses passions ne seront pas conformes à ce avec quoi je suis venu. » Aucun d'entre vous n'aura la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nie ici la foi de celui qui ne concrétise pas ce qu'il va mentionner après. Et cette négation, c'est une négation de la foi complète. Et ce n'est pas une négation complète de la foi. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas cela, c'est tout de même un musulman, mais c'est un musulman à la fois faible, à la fois défaillante. Il n'a pas la foi complète. Et telle est la croyance des gens de la Sunna concernant les pécheurs, ceux qui font des péchés petits ou grands, parmi les musulmans. Le simple fait de commettre ce péché ne les fait pas sortir de la religion de l'islam. Toutefois, ces péchés, ils font diminuer leur foi. Ce sont donc un signe de la faiblesse de leur foi, de leur manque de foi, et qu'ils n'ont pas atteint la perfection de la foi. Malgré cela, ils sont tout de même du nombre des musulmans. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous dit: aucun d'entre vous n'aura la foi tant que ses passions ne seront pas conformes à ce avec quoi je suis venu. Ses passions, c'est-à-dire son amour, ses désirs, les choses qu'il aime, les choses qu'il apprécie. Cela doit être conforme à ce avec quoi est venu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et avec quoi est venu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il est venu avec la charia. Il est venu avec le Coran et la sunna. Donc il fait partie des signes évidents de la foi. Que tes passions, tes désirs, ton amour soient conformes à la législation. Que tu aimes ce avec quoi est venu le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et que tu détestes ce qui s'oppose à la voie du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est un signe par lequel on distingue entre les gens de la foi et les gens de la mécréance et de l'hypocrisie. Si tu veux atteindre la perfection de la foi, tu dois faire en sorte que tous tes désirs, les choses que tu aimes et que tu apprécies, soient conformes à la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui ne prennent de la législation que ce qui est conforme à leur passion, c'est-à-dire ils font l'inverse, ils soumettent la législation à leur passion, ils soumettent la législation à leurs désirs. Alors cela, c'est comme s'ils avaient pris leur passion et leur désir comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est conforme à leur passion, ils l'acceptent, et ce qui s'oppose à leur passion, ils le délaissent. Et ceci est un égarement évident. Quant à celui qui prend Allah subhanahu wa ta'ala pour Dieu unique, alors il suit ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui vient de son messager sallallahu alayhi wa sallam, que cela soit conforme à ses désirs ou que cela s'y oppose. Et ceci est un signe de la perfection de la foi. Enfin, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a terminé ce chapitre en mentionnant deux causes parmi les causes mentionnées quant à la révélation du verset 60 de Sourate An-Nisa, le premier verset qu'il a mentionné dans ce chapitre. Et il a dit: Al-Sha'bi a dit, il y avait entre un homme parmi les hypocrites et un homme parmi les juifs un conflit. Alors le juif a dit: nous allons prendre pour juge Mohammed, car il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prenait pas de dessous de table. Et l'hypocrite a répondu: nous allons prendre pour juge les juifs, car il savait que les juifs prenaient les dessous de table. Ils se sont alors mis d'accord pour se rendre auprès d'un devin de Johaina, et ils l'ont pris pour juge. Alors le verset 60 de Sourate An-Nisa a été révélé. On voit donc dans ce récit que l'hypocrite, malgré qu'il prétend avoir la foi, il a préféré prendre pour juge les juifs, car il savait qu'ils allaient accepter les dessous de table. Alors que le juif, il voulait prendre pour juge le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car il savait que le messager d'Allah refusait les dessous de table, car ceci est interdit dans notre noble religion. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu avec la vérité, avec la justice et l'équité entre les gens. Il n'acceptait donc pas les dessous de table. Et tel est le vrai croyant. N'accepte pas d'être détourné par un bien vil de ce bas monde pour juger en l'avantage d'une personne alors que ce n'est pas son droit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui donne le dessous de table et celui qui l'accepte. Ceci est donc un grand péché. Il est obligatoire pour le croyant de s'écarter de ce grand péché. Ensuite, il a mentionné une autre parole et a dit, et on a dit qu'il a été révélé au sujet de deux hommes qui étaient en conflit. L'un d'eux a dit: nous allons revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre a dit: nous allons revenir à Ka'b ibn al-Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf, qui était un des leaders des Juifs à cette époque parmi les Arabes. Ils sont donc revenus à Omar, radiyallahu ta'ala anhu. Et tout cela dans le but d'éviter le jugement d'Allah et le jugement de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'un d'entre eux lui a mentionné ce qui s'était passé, c'est-à-dire pourquoi ils sont venus à lui. Alors, Omar a dit à celui qui n'avait pas agréé de revenir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: est-ce ainsi C'est-à-dire, est-ce vrai, est-ce réellement comme cela que cela s'est passé? Il a répondu oui. Alors Omar lui a mis un coup d'épée et l'a tué. On voit donc à travers tous ces textes de nombreux bénéfices, et parmi eux, premièrement, l'obligation de prendre pour juge le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et le sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car ceci est exigé par la foi. Et ceci doit avoir lieu dans l'ensemble de nos discordes, dans l'ensemble de nos différends, dans l'ensemble de nos divergences. Que celles-ci soient liées à des affaires mondaines, à des affaires financières, ou alors qu'elles soient liées à des affaires religieuses, comme dans le domaine de la croyance ou de la méthodologie. Vous voyez donc l'erreur dans laquelle sont tombés nombre de ceux qui aujourd'hui appellent à ce qu'ils nomment al-hakimiyya. Ils demandent le fait que la charia soit appliquée dans le domaine pénal, mais eux-mêmes n'appliquent pas la charia dans le domaine de la croyance. Ils disent les gens sont libres dans leur croyance. Il suffit de dire je suis musulman, peu importe que la personne soit chiite, soufite, mu'tazilite, qu'elle fasse partie des khawarij, qu'elle fasse partie de tel ou tel groupe ou de tel ou tel sexe, cela n'a pas d'importance. Et ils ont leur fameuse règle, qu'ils appellent la règle en or, qui est nous nous unissons sur ce quoi nous sommes d'accord et nous nous excusons les uns les autres sur nos divergences. Ça, c'est une de leurs règles inventées. Et il n'y a pas de doute que cette règle est une règle erronée, car elle revient à dire que l'on applique le Coran et la Sunna que dans certains domaines, et que l'on délaisse ce qui est plus important que l'application de la charia dans les tribunaux, et qui est la croyance. Le fait de revenir au Coran et à la Sunna dans la croyance, ceci est la base. Ceci est l'appel des prophètes, alayhimus salatu wassalam, fait d'appeler au tawhid, de délaisser le shirk, de démontrer la fausseté du shirk, de démontrer la fausseté de l'adoration des tombes, de l'adoration des mausolées, et ainsi de suite. Ceci est la base de la charia, la base de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui ont fait de la hakimiyya et de l'application de la charia dans les tribunaux, l'essence même du tawhid, ou comme certains l'ont dit, le joyau du tawhid, il n'y a pas de doute qu'ils sont dans l'erreur, car ils ont pris seulement un des aspects de la charia et ils ont délaissé ce qui est plus important et plus immense, qui est le fait de pratiquer la charia dans le domaine de la croyance et dans le domaine des méthodologies, d'autant plus à notre époque où nombre de méthodologies déviantes ont divisé entre les musulmans. Donc le fait de juger par le Coran et la Sunna, il est obligatoire que cela soit dans l'ensemble de nos affaires. Et pas seulement dans certaines de nos affaires lorsque cela nous arrange ou cela correspond à nos passions et ainsi de suite. Et on le délaisse dans l'autre. Enfin, ces textes, ils nous démontrent, de manière très claire, que celui qui choisit le jugement du Tarout et le préfère au jugement d'Allah, ou le considère égal au jugement d'Allah, ou qui prétend avoir le choix entre le jugement du Tarout ou le jugement d'Allah, alors celui-ci a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala et est sorti de la religion de l'islam. Car il a rendu licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite. Quant à celui qui juge par autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, par suivi de ses passions, tout en reconnaissant et en croyant que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est la vérité, que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleure, et que la loi d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est fausse, et qui reconnaît être dans l'erreur et dans le péché, alors celui-ci ne sort pas de la religion, mais il a commis en cela de la mécréance mineure. Car il sait qu'il est dans le péché et il n'a pas rendu licite son action. Il est donc impératif de faire la différence et la distinction entre ces deux cas. Celui qui sort de la religion, c'est celui qui a la conviction qu'il a le droit de faire cela, qui croit que cela est meilleur ou que cela est égal ou que cela est permis. Quant à celui qui sait qu'il est dans le péché et qui a la conviction que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleure, alors celui-ci ne sort pas de la religion de l'islam. Il est donc impératif pour nous de faire la distinction entre ces deux situations et de prendre garde à ne pas taxer un musulman de mécréance et de revenir pour cela aux gens de science qui sont habilités pour ces jugements. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On verra dans le cours de demain le prochain chapitre qui concerne le fait de renier une chose parmi les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.